le film se fait. Et donc, en préambule, on s'est dit avec Mourad Kartoubi, on s'est dit, bah, tiens, il serait intéressant de travailler sur ce qu'est la jeunesse. Alors, je sais que Mourad a un petit problème, c'est que, comme vous êtes peut-être au courant, il y a des grèves de train en ce moment. Il est là hier, déjà. Et oui. Non, mais il doit partir aujourd'hui. Et il n'y a qu'un train pour la journée, donc est-ce qu'il est en train de... Voilà, je vais voir. En attendant, je lui enverrai un petit message. Mais on a quand même déjà du monde. Et donc, on s'est dit, voilà, réfléchissons sur ce que c'est qu'un film jeunesse. Je cite comme ça vraiment de tête, mais c'est les frères Coe que vous connaissez peut-être, un grand réalisateur, deux grands réalisateurs américains travaillant en Angleterre. Un jumeau qui disent qu'ils ne comprennent pas quand on leur demande... Ceux qui connaissent l'univers des frères Coe, ça peut paraître étonnant que je cite des frères Coe quand on commence un débat sur le public jeunesse, mais eux-mêmes disent en fait qu'ils aimeraient bien travailler pour la jeunesse, il n'y a aucune raison. La seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont voulu, il y avait ces cases très précises et ils n'arrivaient toujours pas à comprendre pour comment on pouvait passer d'un enfant de 3 ans à un enfant de 3 ans et demi. Enfin voilà, ils les mettent dans des cases comme ça et pour eux, ça les troublait et voilà, c'était pas possible. Donc, on va réfléchir à tout ça, plein d'autres choses. On ne va pas se limiter évidemment au court métrage. Si Mourad arrive, on va se poser la question, et on se posera la question de toute façon avec les autres invités de pourquoi il y a finalement peu de subventions pour le court-métrage pour enfants. On a tenté de mettre en place là, donc depuis cette année, dans la salle d'à côté, dans les projections, des projections plus pour enfants, deux courts-métrages. Ce matin, Igor Prasel d'Animateca nous a fait une sélection de films slovènes. Demain, on a les films de la Gedai, la Tokyo Art University, donc d'étudiants japonais qu'on a mis en place avec Koji Yamamura, donc le responsable de l'école. Et samedi, Marcel Jean va prendre, on a pris des films, alors une partie, on fait une sélection à deux, et en fait on a pris des films qui sont en compétition étudiants et en compétition professionnelle pour les mettre dans, alors pas en commande, hein, on s'est réduit, pour les passer à un public d'enfants que le festival finalement touche assez peu, sauf dans quelques événements un peu exceptionnels, mais voilà, donc de la ramener ça, donc le court-métrage, et on parlera quand même de la série et du long. Trois invités, donc pour l'instant, en espérant qu'on aura d'arrive, Arnaud Demoinck, donc je vais demander à Arnaud Demoinck des Films du Nord de venir, Florian Delporte du Sud des Ursulines, et Francis Gavel de lui-même. Voilà, donc problème de grève, en effet, Arnaud, ben, tu partiras quand tu devras, en tout cas tu feras cette pause quand tu devras. Francis Gavel de lui-même, mais quand même, c'est aussi un peu, alors j'avais demandé, mais pareil, je vois pas, j'avais dit à Benoît Cheux qu'il était le bienvenu, bien sûr, pour parler, on va attaquer. Pourquoi Francis Gavel aussi? C'est parce que, si vous le connaissez, je l'ai jamais vu vraiment pourtant passionné de films pour public jeunesse. J'ai pas dit que tu n'étais pas, hein, mais juste dans tes écrits et dans ce que tu disais, ou la semaine de la critique, il n'y a pas forcément eu plein de courts-métrages sur la jeunesse. Et sauf que l'année dernière, dans son compte-rendu pour le Festival d'Annecy, il attaquait un peu la production française de longs-métrages en disant « Est-ce que parce que c'est pour enfants, ça doit être en gros niais et pas très intéressant ?» Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? On commence directement par toi. C'est bon. Il a dit ça. C'est bon. J'ai dit ça, moi. Non, c'est bon. Bon. Voilà, on ne veut pas que je parle. Attends. commence pas. Je dis, faut juste allumer un micro. Ah bah oui. Francis est aussi. Moi je ne connais rien à la technique. C'est Radio Libertaire aussi, il a une émission. Tu veux que je sorte pendant que tu parles? Non, parce que j'aime vachement le parfum de la carotte, donc il n'y a pas de souci. Oui, alors j'ai été inspiré d'écrire ça en fait. J'aurais mieux fait de me taire. Non, c'était sur les films de l'année dernière, enfin là sur les longs métrages français qui n'étaient pas en plus forcément tous des films jeunes publics. Ce que j'avais dit en fait, c'est que pour le long métrage en tout cas, est-ce qu'on était obligé d'avoir des films dans lesquels on satisfaisait d'un certain enfantilisme. C'était pas vraiment les films jeunesse en tant que tel, parce que si on va par là, l'année d'avant, bon, c'est un peu l'élément référent maintenant, et c'était aussi dans le papier, Ernest et Célestine, il y a un film pour enfants, si on veut être très strict et calibré, et en même temps, c'est un film qui dépasse largement ça, et qui jamais, moi, me donnait le sentiment d'être un film puéril, infantilisant, et donc j'avais plus reproché au long métrage dans une espèce de globalité qui se satisfasse d'une tendance à la puérilité, sachant que je citais à contrario que les films pour enfants n'étaient pas forcément puérils. Enfin, bon, il y avait Ernest et Célestine, mais il y avait dans ce cas-là Brendan, même plus lointainement, il pouvait y avoir des films comme La prophétie des grenouilles. Et pourquoi je le cite? Parce qu'effectivement, un des films que j'allumais et donc qui a permis d'avoir un échange de points de vue avec Benoît Chieux, c'était Tantilda, donc que Benoît Chieux avait co-réalisé avec Jacques-Rémy Girard. Et effectivement, là, je me retrouvais face à un film dont j'estimais qu'il était en fait pour... Ah bah voilà, Morad. Merci beaucoup, Morad. Ça va bien? Est-ce qu'on t'a transmis le message? Il fallait que je transmette un message en fait avant. T'as un train à 17h30. Ah oui, ça y est. C'est bon, t'as changé. Voilà. C'est vrai que je suis en retard. D'accord. Excusez-moi, c'est vraiment se poser. Il n'y en a qu'un, on m'a dit ce matin au petit déjeuner, on m'a dit. Faut que tu dises à Morad qu'il y a un train à 17h30 seulement pour partir. C'est le seul train qu'il y a pour partir. Voilà, c'était la petite aparté. On revient sur Francis. Donc c'était juste ça, moi. C'était face à ce film que je trouvais finalement ne se positionnant nulle part, ce qui n'est pas grave dans l'absolu, mais qui me faisait vraiment me dire, sur le long métrage, il va y avoir une tendance, il y a une tendance à la puérilité, et ce qui fait que du coup, ça va décrédibiliser aussi bien un film qui serait plus jeunesse, mais sans être comme ça sur cette tendance, et puis faire en sorte que des projets adultes en long métrage auront du mal à exister, auront du mal à être présents en commission. Et ça, moi, je me rappelais ce que toi, Arnaud, tu avais dit, en fait, à Bulle de Rêve, il y a longtemps. Et ça m'est toujours resté, en fait, c'était de dire, voilà, en court-métrage, j'ai plein d'auteurs, de réalisateurs passionnants. Et si demain, je veux les emmener vers le long, je suis obligé, quand même, quelque part, qu'ils passent sur un film qui sera peut-être plus jeune public. Et qu'est-ce que je fais si je veux aller avec eux sur un projet plus adulte? Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Alors, effectivement, quand je prends la problématique comme ça, on a l'impression que je parle à l'envers par rapport à la problématique de ce matin. Parce que je dis, finalement, moi, j'aimerais bien que le long métrage soit plus adulte. Non, mais c'est absolument intéressant. Et Florian, d'ailleurs, toi qui travailles sur le jeune public au sud des Ursulines, donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant, réellement en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans l'animation, qu'on n'a pas forcément dans la prise de vue réelle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus évidentes dans la prise de vue réelle? Il y a des longs-métrages plutôt pour un jeune public, non, ça on va surtout pas le montrer, en faisant peut-être des exceptions, enfin voilà, en réfléchissant là-dessus, et qu'on a plus de problèmes en animation de finalement dire, non, ça c'est vraiment un film pour adultes, ça c'est vraiment... Et on a l'impression que tous les films peuvent être pour enfants, quand on voit, des parents amener leurs enfants voir Le Vent se lève, par exemple, de Miyazaki, où évidemment c'est pas du tout un film pour eux. Est-ce que tu as l'impression, toi, que cette frontière est plus floue en animation par rapport à la prise de vue réelle? Je ne suis pas convaincu, non. Nous, en fait, on est effectivement spécialisés dans le jeune public depuis longtemps. Beaucoup de gens disent qu'on est spécialisés dans l'animation, parce que je disais non, quand on veut la qualité, effectivement, dans le jeune public, en général, c'est dans l'animation, puisque très souvent, on est niveau mauvais téléfilm, 6 de l'après-midi, de Jean Fourier, comme on est en prise de vue continue. Mais quand il y a des très bons métrages de prise de vue continue, j'imagine dessus. Le truc après, c'est... moi j'ai souri quand j'ai vu que tu introduisais tout à l'heure par l'intervention de Phil Tippett, parce que pour moi la programmation jeune public, c'est la subversion. Ce qui va toucher un enfant, ou un ado, ou même un adulte, on est des grands enfants, je sais pas ce qu'on a, c'est la subversion, justement, c'est de montrer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et l'animation souvent permet de le faire. Et par rapport à ce que j'entendais juste avant par Francis sur le côté de regretter qu'il y avait un peu plus d'adultes et tout, moi ce que je regrette, c'est que maintenant, à force de vouloir faire des films pour tout le monde, on fait des films pour personne. Et on se retrouve avec des films bourrés de références qui parlent plus qu'aux adultes, mais voilà, comme ça, les adultes, c'est bizarre, c'est aussi pour nous. Et bilan, les mômes voient des films où ça bouge dans tous les sens, où il y a des tas de remarques, de sous-entendus pour cadra, etc. Machin. Et ça, bon, ça m'horripile. C'est-à-dire que, alors qu'avant, on faisait des films qui n'étaient pas forcément calibrés pour eux, mais qui comprennent vachement mieux, qui intègrent vachement mieux. Et voilà, typiquement, tu parlais de Brendan. Brendan, c'est un film, on avait aussi bien marché l'après-midi que le soir, cartonnait aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants et qui était visible à plein d'âges différents, mais dont l'âge parfait était le cycle 3, c'est-à-dire les CM1, CM2, 6e, parce que là, ils avaient vraiment les chocottes, ils comprenaient vraiment ce qui se passait, alors que les plus jeunes prenaient le film comme il était, mais ils ne comprenaient pas vraiment la force des Vikings. Et puis pour les adultes, un peu plus de recul quand même. Je peux pas m'empêcher, j'aime bien sur l'anecdote que tu dis par rapport à Brendan, ça, c'est une petite parenthèse, avec souvent des gens qui venaient adultes le soir en disant excusez-moi, je peux quand même rentrer dans la salle, presque pire qu'un sex shop. Il y avait vraiment l'idée de se dire c'est pas grave, hein, si je vois un film d'animation, je suis adulte, mais j'ai le droit quand même de venir, même sans enfant. Oui, c'est ça. En plus, quand on était à la seule salle Paris, elle passait le soir, c'était réglé, et on y avait le côté un peu gêné. Oui, ben vraiment. Oui, j'ai pas d'enfant avec moi. Ça, je l'ai vu un bon paquet de fois. Oui. Tu fais partie aussi de le LAFKE. Fait partie en fait de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Ouais, c'est ça, et vous travaillez beaucoup par rapport aussi au jeune public, ouais. en donnant un label, et etc. Comment vous travaillez ça? Alors, il y a un groupe, donc le groupe jeune public de l'AFKE, donc je suis le coordinateur Paris, et comme ça, il y en a par. Normalement, c'est par région, et après, il y a 2-3 endroits où c'est un petit peu plus complexe, donc la région parisienne et lyonnaise. Et Et donc, on se réunit une fois par mois, on visionne, c'est des jolies matinées, hein, des fois c'est 4 films le matin. Et après ça, on se réunit, on en discute et on va décider de comment on les accompagne. Alors ça peut être pas, il y a des films, c'est très très clairement, c'est pas du tout. Et on sélectionne jamais, nous, c'est les distributeurs qui doivent nous proposer. Ça c'est un truc. Par exemple, on n'a pas vu passer Kaguya dans le cadre du soutien. Donc, peut-être qu'on aura des gens qui vont dire « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas soutenu Kaguya ?» Et bah, parce que Disney ne nous l'a pas présenté. Donc, on va en discuter, on va ou pas le soutenir, ou le soutenir du bout des lèvres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, mais que pour plein de raisons, on ne peut pas non plus se permettre de faire tout un pataquès dessus, et auquel cas, il sera signalé dans le courrier de la RSL, donc qui est envoyé à tous les adhérents. Après ça, il y a les projections en région. Ça, c'est déjà quand on vraiment le soutient. Donc, projection en région, ça permet aux collègues il n'y a pas que Paris en avis, qu'ils puissent voir les films et comme ça pouvoir les programmer en connaissance de cause. Et après, il y a vraiment le soutien total qui est avec l'édition d'un document qui s'appelle Ma petite cinémathèque, qui sont des 6 pages, des petits dépliants. Voilà. Vous conseillez des âges? Vous dites oui. À partir de... Oui, et ça, c'est du coupage de cheveux en 18, qui a parlé tout à l'heure des 3 ans, 3 ans et demi. C'est un gros frère Coué qui disait justement Coué, avec... Je ne voyais pas ici quand le truc. Et voilà, mais c'est exactement ça. C'est qu'on... En fait, on a chacun un peu nos méthodes. Moi, je suis extrêmement schizo quand je vois un film. Et il y a une quinzaine de Florian qui voient le film au même moment. Quoi. Donc du Florian spectateur qui a envie de voir le film quand même, à moi, à plein d'âges différents, à plein de moments. Il m'arrive de me rebaisser dans mon fauteuil, etc., de me mettre aussi à hauteur un petit peu, et d'essayer de le percevoir. Et il n'y a rien qui me répile plus, moi, que les gens qui me demandent « ça fait pas peur ?» On s'en fout. Puis les gamins, ils adorent avoir peur. Ils sortent avec une banane comme ça. C'est drôlement triste, voilà. Ça fait drôlement peur. C'est cette préoccupation-là où je m'en cogne un peu. Elle rentre évidemment, quand même, malgré tout, en ligne de compte, on ne va pas les traumatiser, mais c'est vraiment pas ma préoccupation première. C'est qu'ils en tirent quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer, à quel moment, à quel âge, dans quelle situation. Et donc, c'est ce dont on discute avec le groupe. Et on arrive en général. C'est très très rare qu'il y ait des bastons. C'est vraiment rarissime. C'est une fois de temps en temps, parce que voilà, on n'a vraiment pas du tout la même expérience, on n'a vraiment pas du tout le même public, mais c'est rare qu'on voit plus d'un an de différence entre collègues. C'est souvent, sauf depuis peut-être pas longtemps, des longs métrages que vous avez en visionnage, voilà. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de programmes de cours qui commencent à arriver? Il y a de plus en plus, mais ils ne commencent pas à arriver. Les comparsants, ce genre de choses. Mais qui étaient des vieux, donc qui étaient souvent des 2000, Non, mais qui étaient souvent des reprises, qui n'étaient pas forcément des nouveaux films. Par exemple, pour Shanghai, pour Les Comparsants, etc., c'était souvent des choses qu'on prenait dans, voilà, le patrimoine, on va dire, mondial de l'animation et pas forcément des choses récentes. Monsieur le roi de la transition, oui. Oui, il fait plus de courts-métrages. Bah, ouais, je suis là pour animer, hein, je suis là pour... Oui, bien sûr. Bah, là, il y a quand même, y a quand même une arrivée massive, effectivement, de courts-métrages actuels. Alors, avec deux... si, quand même. Avec trois sources, donc la source patrimoniale qui existe toujours, la source française, donc production française, et pas mal aussi, notamment avec les films du Préau, mais pas que, mais qui parcourent les festivals ou qui sont envoyés dans les tapis, qui montent des programmes. Est-ce que c'est des programmes qui font beaucoup d'entrées? On est milliardaires maintenant. Non, mais est-ce que c'est, juste pour avoir une idée, est-ce que c'est 20 000, 50 000, 100 000 je suppose que ça fait, mais on, pourquoi pas, est-ce que ça peut faire 200 000, 300 000 ou le parfum de la carotte, je crois. 50 000, c'est pour ça que je souriais. Marche, plutôt bien, ce qui est plutôt un excellent score pour des pour moi. Arnaud, toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de... Tu n'avais pas forcément une production au début des films du Nord, quand on regarde, pas forcément une production jeune public. Comme on l'appelle, qu'est-ce qui vient se passer? C'est vrai que je n'ai pas envie de restreindre le jeune public. Ma fille a 7 ans aujourd'hui, mais à 3 ans, on a été voir L'Illusionniste de Sylvain Chomet, qu'elle a beaucoup aimé. Et l'année passée, on a été voir Les Parapluies de Cherbourg ou Demoiselle de Rochefort, avec elle, elle avait 6 ans. Donc, et c'est vrai que dans le catalogue des films du Nord, j'étais toujours assez fier de dire je fais des films adultes pour enfants, en pensant à des films comme La Poupée Cassée, par exemple, qui est un témoignage de Louise-Marie Colomb, qui a une petite sœur handicapée et qui a beaucoup souffert de cette place que prenait cette gamine. Et elle a écrit un film à hauteur d'enfant, donc qui était parfait pour parler de l'handicap par rapport aux enfants. C'est un film très joli, avec de la poésie, même avec de l'humour. Et c'est un très beau film, jeune public, entre guillemets, pour festival. Et il plaisait autant aux adultes par sa thématique, mais il devait être accompagné, par contre. Parce que, évidemment, c'était un sujet assez grave, mais c'était un très joli film pour enfants. Et je disais, les films Nord produisent des films adultes pour enfants. Après, j'ai découvert ce dont vous venez de parler, c'est les films du Préau qui sont venus me voir pour sortir en salle Les Fables en délire, pour sortir Bonhomme et Linolin, qui sont des films pleins de fantaisie, faits par des réalisateurs déjà parents. Hein, ça, c'est une chose dont on pourra parler. Les cinéastes, enfin les auteurs qui écrivent pour les enfants ont soit une fibre naturelle d'emblée, soit ils sont devenus parents et ils ont côtoyé voilà, ce désir-là. Et s'ils sont mis comme moi, hein, je suis auteur de films pour enfants depuis que je suis papa. Et c'est justement, les films du Préau m'ont fait découvrir ce marché assez intéressant qui a été ouvert par d'autres, et entre autres Loulou et Autre Loup, par exemple, qui a atteint les 500 000 entrées quand même sur 10 ans de carrière. Sur 10 ans de carrière, parce que ce sont des programmes qui durent. Hein, d'abord, c'est la sortie avec la communication, mais ce sont des programmes qui rentrent quasiment dans un catalogue de classiques. Et il y a, par exemple, le Parfum de la Carotte a fait 50 000 entrées en 2 mois. Je viens de sortir d'un petit déjeuner que j'ai béquin avec Marc Bonny, qui m'a dit, normalement, on devrait atteindre sans trop de soucis les 100 000 entrées sur un an et demi. Et si ça rentre à École et Cinéma, au moins 100 000 entrées supplémentaires. Hein, parce que c'est un dispositif extrêmement important, Collège au Cinéma, École et Cinéma. Donc, et là, et c'est là où je voulais en venir, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a différentes façons d'aborder l'écriture. Un film jeune public. Et ça dépend un petit peu, je ne sais pas, il y a des... Oui, il y a un portable là qui est... Je ne crois pas, j'ai arrêté. Et donc... Je crois que c'est le mien. Et ça, c'est intéressant qu'on en discute, parce qu'il y a ben, les films d'auteurs jeune public festival, comme je viens de citer, par exemple, La Poupée Cassée de Louise-Marie Colomb. Et puis, il y a les films jeune public qui ont un autre charme, plus de fantaisie, plus de légèreté, même s'ils peuvent aborder parfois des thématiques, comme Le Parfum de la Carotte aborde la problématique de la nourriture, du bien manger, de la solidarité, de l'amitié, mais c'est vrai que c'est assez rond, c'est joyeux, c'est musical, c'est très coloré, c'est très poétique, c'est des petits animaux dans la forêt. Mais ça n'empêche que les professeurs sont très contents d'aborder ces thématiques-là avec leurs enfants pour la fête des mères, ils font une confiture aux carottes plutôt que de faire un petit collier de perles. Quoi. Et donc, ils abordent la nourriture, l'aliment, voilà. Donc, ça n'empêche pas d'être intelligent, mais c'est vrai qu'il y a un port de film où on a à écrire avec plus de fantaisie pour entrer dans les salles et faire effectivement une économie. Alors, c'est là où, en tant que producteur, je mets mon cheval de bataille aujourd'hui, hein, et qu'on en parle beaucoup au CNC avec les producteurs de courts-métrages animation, c'est qu'en France, on a une grande capacité de production, on a beaucoup de très bonnes écoles, mais les films du Préau, Cinéma Public Film, GBK, Folimage, qui distribuent ces genres de programmes de courts-métrages, sont obligés d'aller chercher ailleurs, souvent dans du patrimoine télévisuel des pays de l'Est, ou en Inde, ou au Japon, ou en Amérique latine, des films pour compléter leur programme, pour, parce qu'elles ont besoin de faire au moins 4 sorties année, 4 sorties de programme par an. Pourquoi ? Pour avoir les aides automatiques du CNC en tant que distributeur. Donc, cherchant à avoir 4 programmes par an, ça crée une masse, comme tu dis, ça crée une tension, mais qui est saine en même temps, parce que c'est de la concurrence, c'est de la créativité aussi. Mais en tant que producteur, on se dit, attendez, on pleure parce que nos films, nos courts-métrages ne sont pas vus, si ce n'est en festival, mais les films jeunes publics ne passent pas en télévision, puisque les télévisions diffusent à 1h du matin, donc il n'y a pas de films jeunes publics. Et donc, on se dit, mais on a une capacité de production, une capacité d'écriture, on a des cinéastes, des graphistes, on a tout ce qu'il faut, et non, on n'est pas capable de produire les courts-métrages jeunes publics pour ces programmes. Donc, je suis précis là-dessus, évidemment. Il y a des films pour jeunes publics qui existent depuis très longtemps, des films, en fait, qui sont pour tout public, enfin, qui sont écrits par des auteurs, quoi, des films d'auteurs, et qui ont parfois des thématiques. Mais là, on parle d'une écriture un peu plus spécifique, où effectivement, il faut une fantaisie, une légèreté. Et bon, et là, en tant que producteur, on essuie énormément de refus en comité de lecture, parce que le comité de lecture nous demande cette exigence du film adulte pour enfants, quelque part où on a une thématique sérieuse, et on montre qu'on est quand même sérieux. Et quand on fait Le Parfum de la Carotte, c'est de la télé. Mais ce n'est pas du cinéma, alors que ça plaît beaucoup au cinéma. Moi, je suis depuis 2 ans en Belgique, je suis aussi producteur en Belgique, refus catégorique de tous mes films jeunes publics. Parce que, ah, c'est chouette, c'est joli, enfin, c'est un peu léger quand même. Ah, c'est chouette, c'est beau, ça va être bien animé, mais c'est mignon, mais bon, allez, c'est... Bon, c'est pas très sérieux, quoi. Et quand j'ai montré Le Parfum de la Carotte pour me demander de l'aide pour mon prochain film, qui est La Chasse au Dragon, ils ont dit, ah, on n'est pas là quand même pour aider des films commerciaux. Alors que ça fait le tour des salles à RSC en France, voilà. Alors c'est grâce à l'aide au programme du CNC et au Nord-Pas-de-Calais, Pictanovo, que La Chasse au Dragon, mon prochain film pour les enfants de 8 minutes, sera financé. Et voilà, c'est grâce à l'aide au programme, parce qu'on passe pas par des comités de lecteurs cinéphiliques qui cherchent, voilà. Non, je veux juste qu'on pose l'éclairage là-dessus. Il y a des films jeunes publics adultes, voilà, avec des thématiques sérieuses qu'il faut accompagner, comme Le Pont de Vincent Biroart, où le gamin tue son père quand même. Voilà, bon, bah, ça, t'en vois pas ça comme ça dans les salles, quoi. Il y a Sous un coin de ciel bleu, qui est super, mais ça parle d'adoption et d'abandon d'enfants ou de dons d'enfants. Pas ça comme ça facilement dans les salles. Après, à côté, il y a Le Parfum de la Carotte, beaucoup plus léger, poétique, qui s'accompagne tout seul parce qu'il y a une fraîcheur. Et ça, les comités de sélection ARSF, enfin, auteurs, ont du mal. Et voilà, alors, ça, on va passer. Il y a un deuxième micro, sinon après vous pouvez donner. On va évidemment passer le micro à Morad. J'aurais juste témoigné, puisque j'ai fait partie de la commission de la prime à la qualité cette année, où Morad, justement, était obligé à un moment donné de dire, par rapport à un film dont on ne sert pas, mais dire faites attention parce que des gens ne donnent pas beaucoup d'argent malheureusement aux films pour jeunesse. Donc essayez de le regarder bien. Un directeur pédagogique d'une école qui avait ça. Non, mais on sentait l'envie de dire, là, l'envie de faire avancer quand même les choses. Non, mais il y a une vraie interrogation. Et Arnaud, effectivement, il est je sais pas, c'est le promoteur principal, ou en tout cas l'un des plus actifs et passionnés là-dessus. Voilà, c'est une interrogation. C'est vrai que moi, je n'ai pas d'avis, en tout cas de point de vue radical, pour attaquer ou défendre la manière dont les lecteurs dans les commissions approchent, parce que, en général, l'état constant, c'est vraiment celui de du doute, quoi. Quels que soient les types de projets qu'on nous propose, enfin, là, on n'est même pas dans le cadre de l'animation, hein, des projets de cinéma. En général, les lecteurs sont constamment dans une posture d'affirmer un doute sur la qualité du projet et sa destination. Donc, sur le film, le cinéma jeune public et l'animation jeune public. Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers déjà qui sont envoyés ? Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui vous sont proposés pour un public donc large ? Alors, on viendra sur cette idée, hein, d'un public ou jeunesse, ou public large, etc. Mais voilà. Donc, ça sous-entend que. Déjà, en amont, enfin, au niveau des candidatures, les projets sont étiquetés, entre guillemets, qualifiés par leur candidat de jeune public. Donc ça, c'est déjà un sujet de se dire, c'est comme pour les comédies, comme pour les films de genre, etc. Qui définit le sous-genre ou l'esthétique d'un projet ? Ça, c'est déjà un sujet. Parce que un tel peut affirmer que c'est un projet d'une comédie ou un film pour jeune public, et un lecteur pourra évidemment rétorquer qu'il n'est pas du tout d'accord. Parce que voilà. Donc, comme on est en pleine appréciation subjective des contenus, et donc ça rend vraiment l'exercice difficile hein, de rationaliser ce sujet et ensuite de réfléchir effectivement quels moyens on se donne pour faire avancer le schmilblick, hein, de l'encouragement au cinéma jeune public. Donc le point de départ effectivement c'est les propositions de projet, les producteurs qui sont donc les intermédiaires entre les auteurs et les financeurs, et ensuite les commissions d'aide où effectivement il y a a priori, hein, en tout cas nous c'est un peu une consigne, une doctrine générale qu'on donne d'être plutôt bah, évidemment dans l'accueil bienveillant et l'encouragement, mais sans forcément un volontarisme forcé hein, et absolu. On est là pour juger la qualité absolue des projets et pas de segmenter des types de programmes. Il y a une consigne générale de diversité du cinéma, de différents types de films, mais on n'a pas effectivement un programme d'aide à la production de films pour le jeune public dans la commission des courts-métrages. Excuse-moi, moi, je veux dire, faire très attention au micro, le garder, ouais, parce que c'est... Ça vient de là, les bacs et tout, c'est voilà. De suite, on t'entend mieux. Donc, il existe au CNC différents types d'aides hein, à la distribution salle de films jeunes publics. Donc, où cette interrogation se pose également. Donc, déclassement des systèmes de classification des films pour encourager donc le classement art essai, classement jeune public. Et donc, toute cette problématique de la qualification, du classement se pose à toutes les étapes hein, de la vie des projets. Mais évidemment, plus on se rapproche de l'écran, plus moins c'est difficile de se mettre d'accord. Mais à l'état de projet, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est un dialogue qu'on essaye d'instaurer entre toutes les parties prenantes, hein, des créateurs, des auteurs, des producteurs et des commissions d'aide. Voilà, il y a une idée évidemment de se dire devant le succès, devant la demande, devant la pénurie en France d'offres, il faut évidemment aller dans ce sens-là, d'encourager, de stimuler, de favoriser. Ensuite, au-delà, on en est à ce stade-là, avec notamment Arnaud, de discuter, et d'où l'intérêt de cette première rencontre ce matin, de poser un petit peu des éléments peut-être plus approfondis de réflexion pour faire avancer notre point de vue là-dessus. Arnaud, tu voulais réagir ? Il y a une chose qui m'avait frappé aussi, quand Le Parfum de la Carotte, donc en tant que 26 minutes, avait été montré au festival Anima à Bruxelles. Donc c'est un film que j'ai co-réalisé avec Rémi Durin, qui est un très très très bon réalisateur qui avait fait De si près, qui est aussi là dans le programme 14-18. Et il a plein de potes de la Cambre, hein, il sort de la Cambre. Et il demandait à un de ses potes ce qu'il pensait du film. Et le gars a dit, bon, on la ramène pas, c'est un film pour enfants. Et il y a une déconsidération dans les écoles de cinéma d'animation du film pour enfants, comme si c'était un art mineur, alors que c'est extrêmement difficile d'écrire justement pour les enfants. On peut en parler, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, c'est très complexe à définir aussi. Et il y a comme une sorte de déconsidération, il faut faire des films plutôt dans la gravité, dans la mélancolie, dans la noirceur, il faut en foutre plein la figure aussi pour montrer ce dont on est capable quand on sort d'une école. Et le film pour enfants qui au contraire est sur des choses extrêmement, beaucoup plus fines, beaucoup plus nuancées, souvent beaucoup plus légères, eh bien ça ne frime pas. Et quand on sort d'une école, on est un peu gêné d'aborder pour enfants. Enfin, généralité. Mais c'est quelque chose dont il faut mettre sur la table pour faire évoluer ça, parce que je crois que ça ne demande qu'à évoluer très rapidement si on sent que finalement il y a des lettres de noblesse du film pour enfants. Sauf que c'est intéressant. Je voulais. Tant pis, on va en parler maintenant. C'est bien quand les débats. Je pensais qu'on en parlerait un petit peu plus tard, mais parlons-en maintenant. Est-ce que si tu l'as dit toi-même, tu produis des films depuis que t'es papa. Souvent, ils ne sont pas ou maman ou papa forcément à 18, 19. 21 ans, et donc est-ce qu'ils ont en effet tout simplement pas aussi la fibre et l'envie finalement de parler à des enfants qui sont finalement ou sont peut-être pas si loin que ça. Je reviens évidemment sur ce que tu disais par rapport au fait d'être papa en tant que producteur. Ouais. C'est vrai que les seuls films pour enfants sortant des écoles sont en général des films de réalisatrices qui ont peut-être une fibre maternelle plus rapidement. C'est vrai que mais tous mes auteurs en fait ne touchent pas à l'animation pour enfants et s'ils sont sensibilisés. Alors Gabriel Jacquel vient d'être papa, donc j'espère qu'il va me pondre au-delà des enfants quelques scénarios pour enfants. Mais oui, il y a sûrement, bien sûr, moi j'ai commencé à écrire, avant c'était très mélancolique, je faisais que des films en noir et blanc avant d'être papa. Voilà, que des films en noir et blanc. Donc, et puis j'ai commencé à écrire en couleur quand j'étais papa. Donc voilà, je ne jette pas la pierre aux autres, c'est juste un constat. Mais ça ne demande qu'à évoluer si, voilà, si on peut accompagner des gens et les sensibiliser. Ouais, pour rebondir là-dessus, moi déjà, je n'ai pas analysé pour l'instant, mais ça peut être un sujet d'étude intéressant pour l'été. Par rapport au contenu des films qu'on a soutenus ces dernières années, moi, il me semble que très majoritairement, les sujets, les thèmes et les types de personnages abordés dans les films d'animation, les courts-métrages d'animation en général, très, très majoritairement concernent des personnages d'enfants. Et j'en parlais l'autre jour, par exemple, avec Marc Jousset, Je suis bien content, qui a une ligne éditoriale, on va dire, un esprit... qui va plutôt vers effectivement l'humour corrosif et qui aborde très souvent des histoires concernant des enfants. S'agit-il de films jeunes publics ou pas? Évidemment, on pose la question de manière provocatrice, mais parce que lui me disait, quand je montre les films à mes gamins ou à d'autres, il y a cette réaction effectivement on n'est pas dans des univers effectivement. Voilà, de couleur rose, on va dire, hein, mais plutôt on va vers le noir. Mais quelque part, certains enfants peuvent réagir, alors, pas de manière effectivement traumatisée, mais en tout cas intéressés et réactifs à des propositions de ce type-là qui, au départ, n'étaient pas envisagées plutôt pour adultes, mais pas spécialement pour enfants. Mais les réactions recueillies auprès d'enfants, en fait, de l'intérêt manifesté pour voilà, un style un peu trash ou un peu. Voilà, ça a posé le débat en fait entre nous avec Marc et je voulais vous le rapporter ce matin parce que c'était une conversation toute fraîche ces derniers jours. Et... Florent, tu voulais réagir, mais après on va réagir, on va repartir là, sur ce sujet là. Non, en fait, je vais partir sur les deux. Donc, déjà pour réagir effectivement par rapport aux réactions des gens sur le jeune public en général, c'est pas que sur le court métrage d'animation quand on sort d'une école. C'est à longueur de journée, à longueur de vie. Hein. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas le seul du groupe jeune public de la FKV, un collègue de Fondation. Et donc, moi je me rappelle une formation à la FKV au niveau du groupe jeune public, où il y avait quand même un intervenant qui a failli se prendre ma table dans la tête, parce qu'il disait, bon, alors quand vous programmerez, après, parce que vous n'avez pas programmé pour les enfants toute votre vie. Bon, le type dans la programmation, dans les formations jeunes publics quand même. Quand on a spécialisé les Ursulines dans l'action jeunes publics, on a eu comme réflexion régulièrement, ah bon, maintenant c'est un cinéma pour enfants, mais avant c'était un cinéma à réessai. Bon, sachant que bon, pour le coup, là, on est en plein dedans parce qu'on a reçu notre collante avec le résultat pour la RFA et on se demandait avec Dorothée qui s'occupe de tout ça au CNC comment je pouvais avoir un score aussi bas parce qu'on est en dessous de 80% alors qu'en général on est à 94 ou 96 et en fait, notre déduction c'est que les films doivent automatiquement être en VO. Alors, c'est vrai que sur certains âges, du coup, on est forcé de les adapter. Là, le quota n'est pas adapté, par exemple. Sans exception. Voilà, voilà. C'est là qu'on arrive aux limites du système, d'ailleurs. Parce que même si je suis pour la VO systématique, il faut bien reconnaître quand ils font 4-5 ans. Il y a quelque chose à ajuster là. Mais bref, c'était une aparté. Mais donc, voilà, ce mépris pour le travail du jeune public, il est en permanence. Moi, tous les collègues qui est de banlieue ou de cinémas municipaux, en province, etc., qui ont un poste de programmateur jeune public, ils ramènent 40, 50, 60% des entrées de la salle. Mais c'est un poste subalterne. Et ils font regarder de haut. Voilà, parce que déjà en France, et même dans la plupart du monde, on regarde les enfants de haut quand on les regarde. Mais quand on programme pour les enfants, on est considéré soi-même comme un enfant. Donc on est regardé de haut. Ça, c'est pour les trucs, et donc y compris les œuvres. Après, sur les productions de marque ou sur ce genre de choses. Déjà, effectivement, un film avec des enfants dedans, c'est pas forcément un film pour enfants. Et énormément de films où il n'y a pas un seul enfant dedans intéressent énormément les gamins. Et y compris, d'ailleurs, on n'a pas besoin de couleurs. Ça, c'est. Moi, je sais que tout ce qui est au niveau du patrimoine, un de mes meilleurs souvenirs, moi, c'était pendant la Coupe du Monde de foot en 2006, à la séance de 20h. Il y avait la France contre l'Italie en finale. On montrait l'homme qui rétrécit, donc pas un film d'animation. Un film des années 50 de Jack Arnold, et on se disait on va avoir juste personne, bon, en VO évidemment, etc. Et parmi le public qui était déjà assez conséquent, il y avait une bonne cinquantaine de personnes, ce qui n'était pas gagné. Il y avait quatre enfants qui étaient venus sans parents, sans rien, tout seuls. Ils avaient 8-10 ans et ils étaient chacun à un coin du balcon, ils ne perdaient pas le miette du film. Parce que c'est un grand film d'aventure, c'est un film tout ce qu'on veut, et ça marche très bien. Faut vraiment pas du tout penser qu'on va les... ils n'ont pas d'a priori des parents. Les a priori, c'est les adultes qui les donnent. Les a priori sur la VO, les a priori sur la couleur, ce genre de choses. C'est le côté, ah, c'est en VO, ça va aller pour toi? En fait, sinon, ils n'ont pas. Juste un Arnaud, oui. En parlant de ça, effectivement, le Cinéma Public Film a sorti Le Piano Magique, dans lequel il y a le film précédent de Gabriel Jalkel qui a fait Burke. Il s'appelle Ludwig, les démons de Ludwig, qui est un film en noir et blanc, pas du tout écrit pour les enfants, et qui rentre très très bien dans une programmation pour les enfants, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut élargir. Ici, c'est vrai que moi, je pars dans un débat avec le CNC, avec les commissions régionales, pour un certain type de démarche d'écriture pour enfants, pour répondre à la demande des distributeurs et des exploitants. Donc là, je suis dans un créneau qui a ses limites, mais effectivement, écrire pour les enfants, c'est infiniment plus large et encore heureux, c'est leur faire du cinéma et du bon cinéma. On va revenir dans une deuxième partie, plus précisément sur l'écriture, justement, et sur qu'est-ce que c'est finalement de parler à un jeune public et comment on parle à un jeune public. Juste pour finir cette première partie, on va dire, sur le côté plus économique, distribution, est-ce que Francis, par exemple, toi, tu sens, toi, tu allais, en tout cas, on est dans beaucoup de festivals, entre Cannes, où tu regardes, en tout cas, tu es un acteur, un témoin, en tout cas, des festivals, est-ce que tu penses qu'il y a un mépris, ou en tout cas, ce genre de festival ne regarde pas du tout? Est-ce que quand Ernest et Célestine passent en première, la quinzaine des réalisateurs, c'est quelque chose d'exceptionnel, ou c'est parce qu'ils disent c'est le graphisme qui prime, ou à ton avis, c'est... Je ne sais pas pour Ernest et Célestine, donc avec l'arrivée d'Edouard Vintrop, maintenant, c'était en 2012. C'est vrai que Edouard Vintrop, donc, qui est le délégué général de la quinzaine des réalisateurs, est quelqu'un donc, qui fait sa programmation pour la quinzaine, qui va chercher du cinéma d'auteur à tous les endroits. Et il y a quelque chose comme ça de très. Moi, je trouve très joyeux dans sa démarche. C'est que lui, quand il présente les films d'animation, d'abord, il parle tout le temps de dessins animés. Donc ça, moi je trouve ça au contraire très mignon, parce que en fait il est vraiment là à dire j'ai aimé ce film là moi le cinéma d'animation je comprends pas, mais par contre ça m'intéresse parce que c'est un film qui me plaît, donc j'y vais. Donc effectivement, on peut dire que jusqu'à présent, entre le Takahata donc cette année, Ernest et Célestine, y compris en court métrage où il a quand même une programmation d'animation, il est très dynamique là-dessus. Après, moi j'ai envie de dire que par rapport, puisque là on parle de Cannes, j'ai pas vu Ernest et Célestine parce que j'étais pas dispo cette année-là, mais j'ai pu assister à d'autres séances de films d'animation à Cannes. Alors d'un côté, il y a on se fait la séance jeune public. Moi, je pensais à ça, par exemple, à une projo, on était pas à la même place, mais on s'est retrouvés à la sortie, c'était Azur et Asmar, de Michel Oslo, qui était présenté à la quinzaine, à l'époque où le délégué général, c'était Olivier Père. Donc, un dimanche matin, une séance, entre guillemets, conçue à Cannes pour du jeune public. C'était aussi la même chose, alors là, c'était à l'officiel, c'était avec les Triplettes de Belleville, où on avait une salle... au Grand Théâtre Lumière, salle très impressionnante où c'était bourré d'enfants. Donc il y a un côté comme ça, c'est une séance événement. Mais de toute façon, la problématique après d'un festival comme Cannes, au jour d'aujourd'hui, c'est que l'animation, ça reste une séance événement. Donc on fait événement à plusieurs niveaux. Soit on se paye sa séance jeune public, c'est un événement. Soit on va se payer. Alors, on a rencontré enfin du cinéma d'animation d'auteur. Donc, on va présenter, Valse avec Bachir à l'officiel, en compétition, ou Persepolis, pour dire, voyez que le cinéma d'animation, c'est aussi un cinéma qui en a, qui avance et qui est capable de tout. Et puis, la troisième chose à Cannes, c'est le cinéma d'animation comme grand moment de détente au milieu des enjeux que représente un palmarès. Donc, là, cette année, c'était Dragon 2. On va prendre un film d'un studio américain. Alors certes, Shrek, à l'époque où il a été présenté, le premier était en compétition, mais après les films de studio, moi je me rappelle de Kung Fu Panda, tous les critiques de cinéma, tous les distributeurs, machin, on va voir Kung Fu Panda parce qu'on va s'éclater un peu et qu'on va un peu se reposer parce qu'après, il y a le Nuri Bilge Ceylan ou il y a Carlos Regadas. Donc là, c'est le moment de détendre, quoi. Super. Donc l'animation, voilà, c'est joyeux. Et donc après, ben, c'est la place qu'il y en a. Mais en même temps, Cannes, c'est un festival qui peut être assez particulier, quoi. Florian, est-ce que ça veut dire qu'il faut des festivals jeunes publics, faire des festivals qui soient vraiment... Enfin, il y en a d'ailleurs, hein. c'est ma question, bien sûr. Moi, je sais pas, parce que moi, je me souvenais avoir vu Innocence à Cannes quand même. On avait eu une idée de l'anime, pas loisir, ultra joyeux en compète. Ouais. Mais bon, c'est rare, c'est tout à fait d'accord. Je sais pas, après, moi, j'aime pas les ghettos, donc avoir une partie jeune public dans un festival, pour moi, ça me plaît plus. Typiquement, on avait Paris Cinémome, qui était festival dans le cinéma. Dans le festival Paris Cinéma, ça me plaisait beaucoup plus que mon premier festival qu'on a à l'heure actuelle. Parce que mon premier festival, donc, qui est un festival partagé entre une dizaine de salles à Paris, est donc un festival jeune public partagé en plusieurs salles. Ce qui veut dire que les gens viennent au cinéma pour faire une activité avec les enfants et ils se trouvent que c'est des films. C'est pas du tout le même public que des gens cinéphiles qui veulent montrer des films pointus et effectivement qui peuvent pas encore montrer le film philippin ultra-violent à leur gamin de 7 ans, mais on peut peut-être leur faire d'autres propositions dans ce sens-là. Donc moi, je suis plus pour une sélection jeune public dans un festival plutôt qu'un festival proprement jeune public quand même. Juste pour vraiment terminer, enfin, encore une fois, comme je le répète à chaque fois, c'est un peu redondant, mais voilà, c'est des débats qui mériteraient de prendre beaucoup plus de temps qu'une heure et quart, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses à dire. Mais juste quand même, Moral, est-ce que dans cette idée de... Moi, je me rappelle avoir été... Ça m'avait marqué, pareil, j'étais lecteur pour les longs-métrages, et d'un seul coup, la fiche avait été changée de lecture pour l'animation, et on nous mettait pour quel public le film est destiné. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas pour la prise, j'avais demandé, il n'y avait pas pour la prise de vue continue. C'est-à-dire que là, on disait... Et je me rappelle avoir dit, mais j'en suis incapable. Je ne peux pas vous dire, moi, alors que je suis pas justement papa, qui m'intéresse, je ne peux pas vous dire si c'est pour les 3-5 ans, ou les 5-7 ans. Je ne peux pas. Je peux vous dire si c'est un film qui, moi, me paraît intéressant. Mais je ne peux pas vous dire ça. Et j'avais trouvé ça assez... Est-ce que c'est une des possibilités est-ce que c'est quelque chose que vous tentez de faire au CNC? Plutôt déjà de réfléchir sur... Tu disais tout à l'heure que ce n'était pas à vous de le faire, forcément. Oui, en tout cas, je trouve étonnant que... Enfin, j'ignorais qu'il y avait cette précision dans les fiches de lecture des longs métrages, puisque... philosophie des aides sélectives côté cinéma, c'est justement d'encourager la création, l'originalité, la singularité, etc. Mais sans tenir compte en fait des enjeux de diffusion. Donc autant on a une autre direction des programmes audiovisuels qui elle évidemment conditionne ses aides à l'application de diffuseurs télé, mais sur les projets cinématographiques court ou long, volontairement, enfin, voilà, il n'y a pas ce... C'est cet enjeu-là qui conditionne, donc ça me surprend en fait. J'essaie de voir, mais il n'y a pas, j'essaie de voir si j'ai pas une copie du fichier de lecture, mais voilà, la copie c'est maintenant activée, donc j'arrive pas à voir. Mais ah, c'est sa conviction là. Ouais. Non, mais il ne veut pas, c'est à bloquer la copie office du Mac. Ouais. Je peux pas le mettre. Mais c'est quelque chose en plus qui est arrivé en milieu. C'est-à-dire je sais pas, j'avais peut-être 2 ans. Et donc pendant un an, il n'y avait rien eu. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus violent. C'est que d'un seul coup, il y avait eu ce changement en plein milieu de. Mais en tout cas, alors peut-être que j'aurais dû mieux préparer cette matinée. Bon, je ne vais parler que de ce. Je m'occupe du court-métrage, mais j'aurais peut-être pu venir effectivement avec les bilans de ces quelques dernières années sur l'animation et mettre à l'épreuve de ce débat la réalité des faits, hein, des bilans, et savoir combien de films ont été soutenus en animation et combien pourraient être qualifiés de films jeunes publics avec cette idée de segmentation peut-être informelle, mais en tout cas qui permet de faire avancer la réflexion. Est-ce qu'on peut imaginer par nous, dans la commission, dans quelqu'un comme Florian qui travaille avec le jeune public, qui connaît et qui peut à la rigueur dire bah oui, mais ça vous exagérez parce que ce film-là, vous avez l'air de l'aimer. En plus, il pourrait faire ça très bien, j'en suis persuadé. Là, ça commence à bien faire, vous dites ça, mais c'est un film pour enfants. Les enfants, encore une fois, c'est juste en préambule, hein, le fait de tenter nous aussi à côté très modestement montrer des films, on va montrer Wonder de Meryl Streep par exemple à des enfants, enfin voilà, des films évidemment après qui vont, j'en suis persuadé, adorer et qu'il ne faut pas maltraiter ce public, c'est encore une fois le public de demain aussi. lui qui va aller au cinéma et qui crée sa culture. Donc est-ce que la LCNC a vraiment un enjeu avec peut-être une autre commission, quelque chose qui passe en disant oui, mais ce projet-là, ça vous paraît. Sur les aides à la création, au court-métrage, en tout cas aujourd'hui, notre position, c'est de dire bon, il faut qu'on. Effectivement. On indique aux membres qu'on les sensibilise à cette problématique et à faire preuve d'ouverture d'esprit, de sortir peut-être effectivement de schémas d'avoir une démarche de reconnaissance en fait, et qu'effectivement il y a un objectif, un enjeu important. Mais après, est-ce qu'il faut créer une sous-commission, une sous-sous-commission, un quota un ghetto, je ne sais pas, avec que des spécialistes et des chapelles, ça devient compliqué, hein, parce qu'on a ce sujet-là sur plein d'autres, sur le documentaire, c'est la même chose, sur le cinéma expérimental, on peut raffiner à l'infini, sophistiquer à l'infini les dispositifs d'aide et segmenter, mais pour l'instant, notre position, c'est de rester au contraire dans une idée que le court-métrage est vraiment polymorphe, polyvalent, enfin voilà, et embrasse toute forme d'expression et toute forme d'approche artistique, et que c'est bien que ça reste au sein d'une seule commission générale, à condition qu'il y ait du débat et d'ouverture d'esprit de chacun. Je crois comme ça, mais j'espère que vous entendez quand même. On va passer à un côté un peu plus, on ne va pas parler que de l'économie évidemment, c'est intéressant et c'est même fondamental, on l'a vu à quel point c'est compliqué. On va parler aussi en effet d'écriture et du côté créatif. Évidemment, je me tourne vers le public et il y a des gens dans le public. Par exemple, comment on fait pour un projet comme en sortant d'école, Delphine Auré est là, dans l'école, comment on fait pour lancer un France Télévisions, donc là, tu vas vous expliquer un petit peu ce qu'il comment on fait pour t'as le micro de Mourad, comment on fait pour aller vers France Télévisions et leur dire bah voilà, on va faire du court métrage avec des jeunes étudiants et de la poésie, ce qui est un peu risqué quand on imagine déjà les deux ensemble. La poésie, les étudiants. Je sais pas, parce que moi je trouve que c'est toujours une histoire un peu spéciale sur la façon dont j'amène les projets à France Télé, donc ça s'est passé hyper fastoche en fait, j'ai pas du tout eu à batailler, donc c'est pas très juste, mais en gros, pour raconter l'histoire en sortant de l'école, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer la petite fille de Jacques Prévert, et à l'époque moi j'avais super envie de voir qu'est-ce que ça donnerait si on donnait des textes un peu bizarres à des réalisateurs et quelle image ils feraient avec ça. Et à ce moment-là, j'en parlais avec des copains, j'avais envie de leur filer des textes de philo. Voilà, j'aime bien les trucs d'écriture automatique. Donc je me disais, quand on écoute des trucs bizarres à la radio, ça fabrique des images, et j'avais envie de voir ces images exister. Donc quand j'ai rencontré la petite fille de Jacques Prévert, je lui ai montré plein de courts-métrages que j'aimais bien. Et puis voilà, on s'est dit, on pourrait faire ça avec les poèmes de Jacques Prévert. Et comme c'était bizarre, parce qu'à cette époque-là, j'allais manger chez Jacques Prévert, et que c'était comme un voyage dans le temps, j'en ai parlé à Pierre Siracusa, je lui ai dit qu'il m'arrivait un truc de dingue, que j'allais manger dans l'appart de Jacques Prévert et qui était voisin avec Boris Vian, enfin c'était vraiment comme un voyage dans le temps. Et voilà, il m'a dit mais ça fait 15 ans que je veux faire de la poésie à la télé, tout le monde se fout de ma gueule, et donc ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et évidemment il fallait trouver une façon que ça séduise un peu des gens qui sont pas des poètes. Et on s'est dit que le truc qu'on adorait à Annecy, c'était de voir les films d'étudiants, et que malheureusement, comme souvent c'était des films collectifs, on ne savait pas toujours très bien qui avait fait quoi, et voilà, et on s'est dit on va mélanger tout ça. Je pense que France Télé à ce moment-là, ça correspondait à une envie de mettre en avant La belle diversité et les talents incroyables qu'on a en France en anime et qui disparaissent ensuite dans l'industrie du dessin animé. Et voilà, et comme on est un peu des rêveurs tous les deux, on s'est dit, montons ce truc-là. et avec l'idée de faire émerger des jeunes réals avec leur nom, avec leur univers graphique, de les payer correctement, de leur faire un statut d'intermittent et de leur faire une première expérience de boulot à la fois brutale et roborative. Il marche plus le micro. Parlez fort. Alors. Est-ce qu'on peut passer sur lui là peut-être, non? Compliqué. On vient ici. Tu veux que j'aille jusqu'au micro? Non, regarde. Le micro ira qu'à toi, mais. Ouais, il y a un long fil, tant pis, on va revenir à la technologie. Enfin, des vrais micros. Il a l'air d'être plus fort, celui-là. Alors, l'histoire de la tranche d'âge là-dessus. Pareil, moi, j'aime pas tellement cette histoire de segmentation par les âges. Je trouve ça complètement débile. Et en même temps, pour essayer d'être un peu brève sur ce que je pense de tout ça, moi, j'ai appris à travailler sur les histoires pour les enfants dans la presse enfant, dans J'aime lire. Et la règle qu'on avait à J'aime lire, c'était qu'une histoire qui nous plaît à nous, adultes, si elle est bonne, si elle est juste, si elle nous fait vibrer spécialement, alors elle est bonne pour les enfants. Et avec toujours cette idée que nous, quand on a été petits, et où tout ce fatras de segmentation par l'âge et tout ça, ça n'existait pas particulièrement, ce qu'on a aimé dans le fait de découvrir des histoires, et ben c'était qu'elles nous plaisaient, voilà. Enfin, c'était pas fabriqué pour notre tranche d'âge. Et en plus, on le sait tous, ce qui nous fait grandir, c'est d'aller vers des histoires de plus grands. Enfin, voilà, tout le truc habituel que moi, ce qui m'a fait triper dans Gaston Lagaffe, c'est que j'ai mis 20 ans à comprendre des vannes. Et enfin, on a tous vécu ce truc-là et à tous les niveaux et tout ça. Et donc, par exemple, typiquement dans J'aime lire, l'idée, c'était pas on cherche des histoires pour les enfants de 7-10 ans qui apprennent à lire ou je sais pas quoi. C'était pas ça, c'était une histoire qui nous touche, nous, en tant qu'adultes. On peut en faire une histoire qui va toucher des enfants. Et le boulot, c'était de respecter l'auteur pour que jamais on trahisse l'histoire qu'il avait racontée, de l'amener vers le mieux. Et puis, voilà. Je le dis souvent aux gens à la téloge, je pense que la fiction... elle est là pour nous faire vivre des émotions et des, je sais pas, enfin nous faire grandir par, pas par contumace, mais un truc comme ça. Et que du coup, après, c'est notre responsabilité d'adulte de faire en sorte que ça soit pas trashissime, mais ça va, on est responsable, c'est un truc de responsabilité. Donc quand on a parlé de cette histoire de Prévert, moi je me suis mis à lire du Prévert, j'ai découvert que c'était d'une dureté magnifique. Et donc, quand on en est venu à faire une sélection de poèmes pour les présenter dans les écoles avec Pierre, je le disais en allant dans les écoles, on a enlevé les trucs où c'était des mares de sang, on a enlevé les putes magnifiques, on a enlevé les trucs anticléricaux, antimilitaristes de base, parce que voilà, c'est des sujets difficiles à aborder. Mais il restait toute une gamme d'émotions et de choses très... C'est pas violent, c'est la vie, voilà. Et d'ailleurs, quand les enfants regardent les films aujourd'hui, il y en a un, enfin, ça les plonge dans divers états émotionnels qui vont de la mélancolie à la tristesse et parfois par le désespoir. Il y en a un qui s'appelle Temps de forêt et qui décrit l'absurdité de notre monde qui consiste à déboiser des forêts pour faire des journaux dans lesquels on alerte les gens sur les dangers de la déforestation. Mais des gamins de 6 ans, 7 ans, ils comprennent exactement de quoi il s'agit. Quand on leur dit que c'est un texte qui a plus de 80 ans, ils nous regardent en disant un peu « qu'est-ce que vous avez foutu sur les 80 dernières années ?» Ils ont raison. Et après, quand il y en a qui disent « ah, mais c'est horrible !» et tout ça, et puis il y en a toujours un qui hausse les épaules et qui dit « bah, c'est la vie !» Et donc voilà. Et après, ils sont aussi divers que nous, les enfants. Et donc, moi, je trouve qu'à partir du moment où on prend la responsabilité de pas les traumatiser, voilà. Après, l'autre truc que j'ai bien compris quand je suis arrivée à la télévision, c'est qu'il y a deux modes. Il y a deux modes de diffusion des histoires pour les enfants. Il y a le cinoche et la télé. Et en fait, j'ai vécu la même chose dans la presse pour enfants. C'est que... ce qu'on nous expliquait à Bayard, notre responsabilité de diffuseur de contenu, c'était que la presse, quand ça arrive par abonnement, ça arrive direct dans les maisons. Et à partir de ce moment-là, les parents disent « je ne choisis pas l'histoire qui arrive dans les mains de mon enfant ». Et donc, parfois, ils faisaient des réclamations en disant « oui, alors cette histoire… » Alors après, il y a des talibans partout, c'est-à-dire parfois on recevait des lettres parce que c'était une histoire de fantômes et que les méga-cathos, les fantômes, je ne sais pas quoi, ça fait référence à un truc, on ne peut pas parler des fantômes parce qu'en fait on va au ciel, je ne sais pas quoi. Donc parfois on recevait des lettres incendiaires sur des histoires de fantômes et puis parfois on recevait une lettre incendiaire parce que une fois, il y a 10 ans, on a abordé pour la première fois le divorce dans une histoire de J'aime lire et qu'on a eu une vague de 12 désabonnements. Parce que tout d'un coup les parents disaient c'est odieux, vous amenez ce sujet dans ma maison, c'est impossible de parler de ça aux enfants, vous n'avez pas le droit, c'est moi qui déciderai si je parle de ça aussi. Donc là on était diffuseur, mais ce qui avait de génial c'est que la rédac chef elle prenait sa plume et elle répondait point par point aux parents qui expliquaient pourquoi ils voulaient désabonner leur enfant parce qu'on avait écrit une histoire de divorce et elle avait les entrailles de faire ça. Il n'y a pas de gens à la télé qui répondent aux lettres bizarres des téléspectateurs, je crois. Et après, la même différence entre la presse qui arrive directement chez les gens, le pendant, c'est le livre, où il y a un achat impulsif, donc il y a beaucoup plus de liberté dans le livre, parce que les gens, on estime qu'ils ont leur liberté, leur libre arbitre d'aller acheter un livre. Bah, pour la télé, c'est pareil, la télé, ça arrive directement dans les maisons, et c'est pas les mêmes sujets qu'on peut aborder au Cinoche, où le Cinoche, c'est les gens qui décident d'aller voir le film. Voilà. Donc après, déjà, ça pose deux manières de s'adresser aux gens avec ces deux données-là. Et donc quand on sent ça et qu'on fait pas n'importe quoi, bah déjà ça donne des histoires différentes. Après, je sais que je sais pas si vous avez vu Chihiro, mais Chihiro quand Miyazaki l'a fait, il a dit c'est pour des petites filles de 10 ans, c'est une histoire sur le travail, sur Et nous, par exemple, quand on en a parlé dans la presse enfant, on disait un peu, bon, ben, faites gaffe, parce que cette fameuse scène où les parents sont transformés en cochons, on sait qu'il y a des gamins de 6 ans, 7 ans, ça les a un peu fait flipper profondément. Et pour autant, on n'accuse pas Miyazaki d'être totalement irresponsable et tout ça. Et puis, après, pareil, je pense que c'est des expériences, ça va, on ne les a pas poignardées non plus. On leur a fait vivre un truc un peu... voilà. C'est aussi, évidemment, des âges et... Une chose qu'on disait un petit peu en début de débat, c'est arrêter, évidemment, la possibilité de dire un film doit être de 6 à 7 ans et les combats, on va dire, un peu vous avez mis ensemble avec la FKE des fois en disant, ben voilà. Bah en fait, il y a. C'est que nous, la discussion, elle est vraiment sur. À quel âge on en tire le plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir avant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir après. Mais c'est juste par rapport à l'expérience de la vie et des choses qu'on chope mieux. Et l'exemple que j'avais utilisé tout à l'heure de Brendan est pour moi vraiment pertinent, parce que pour moi, l'âge où il faut vraiment le voir, c'est l'âge où on flippe un peu. C'est justement c'est l'âge où les Vikings font peur. Donc si on le voit trop tôt, en fait, on le rate. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas compris. Pour moi, Frankenstein de James Whale, il faut le voir à 6-7 ans quand on a des grands, quand on réagit très fort à l'injustice. Il ne faut pas le voir trop tard, ce film. Et voilà, pour justement être du côté de la créature. Et voilà, donc l'âge, c'est pas systématiquement toujours l'âge minimal, des fois. Est-ce que ça veut dire, Arnaud, ça veut dire par exemple qu'on n'écrit pas en fait, parce que c'est un peu le débat aussi, on n'écrit pas pour les enfants, mais finalement, c'est aussi le spectateur, c'est la personne qui reçoit, qui elle réfléchit. En effet, si on montre à son enfant l'étrange jeune de Monsieur Jack à 3 ans, on va lui montrer autre chose quand il aura 5, 6 ans, alors que si pendant. Si on lui montre l'étrange jeune Monsieur Jack uniquement à 8-9 ans en disant je vais le protéger ou j'en sais rien, enfin, etc., on va forcément lui montrer d'autres choses. Est-ce que voilà, c'est plutôt ça le... C'est pas à vous finalement, vous dites pas ah, bah, tiens là je vais faire un film pour enfants, je vais l'écrire absolument. C'est les gens qui le reçoivent pour repartir sur l'écriture un petit peu. Oui, oui. J'ai du mal à. Là par exemple, mon prochain 26 minutes s'appelle Le vent dans les roseaux. L'origine de ce film, c'est très simple. J'étais au petit déjeuner avec ma fille, et c'était à l'époque du printemps arabe. Et donc, on écoute France Inter au petit déjeuner, et ma fille, à 4 ans, demande « C'est quoi le printemps arabe, papa ?» Très joli le printemps arabe, niveau sonorité. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer, mais ce que je lui expliquais n'était ni printanier, ni spécifiquement arabe, d'ailleurs non plus. C'était la désobéissance civile. Il y avait aussi les indignés à New York, on se parlait à ce moment-là, les indignés en Espagne, etc. Et donc, j'ai dit « Je vais écrire un film sur la désobéissance civile pour les enfants. » Donc c'est l'histoire d'un royaume, c'est très classique, un royaume où le roi interdit la musique et le chant parce que son fils lors de la dernière guerre, où il a eu la bonne idée de l'amener, le prince, le jeune prince, est devenu sourd et muet. Et du coup, comme il n'a pas le droit à la musique, il croit déjouer le sort en interdisant à tout son peuple la musique. Et la fille a ses parents emprisonnés parce que ses parents sont le luthier du village. Et elle a gardé une petite flûte. Arrive d'Orient un saltimbanque, voilà, avec aussi plein d'instruments, qui se fait confisquer dès qu'il rentre, mais il a aussi une petite flûte cachée dans son sac. Et ces deux personnages, l'enfant de 6-7 ans et le saltimbanque, qui lui a 14-15 ans, parce que c'est un petit peu moyen âge, donc à cette époque-là on est adulte plus jeune, et je voulais qu'il y ait une proximité d'âge, ils deviennent complices et ils allument la flamme de la désobéissance civile dans le village et ils renversent le roi par une levée d'armes. Mais les armes, c'est des instruments de musique, donc par une levée d'instruments de musique. Bon, bref, c'est donc une histoire qui a en soi un désir profond de communiquer sur des sujets de société délicats. Et évidemment, refusé par France Télévisions, refusé par Canal+, parce que déjà, les parents sont en prison. J'essaie de le réécrire pour y apporter, sans dévier une seconde de mon trajet principal, j'essaie de mettre de la fantaisie, de l'humour. La reine est complètement décalée, elle prend toujours le roi pour un con, ce qu'il est. L'officier qui est entre le peuple et le roi, finalement, est l'homme bon qui va permettre aussi le renversement à un moment donné. Donc j'essaie de le rendre à la fois autoritaire mais doux. Donc j'ai trouvé un très bon comédien qui a une grosse voix, qui en impose, mais qui a une douceur dans sa voix. Voilà. Donc, et je vais essayer de revenir à France Télévisions en disant, voilà, ce film, ça va plaire, va charmer et va parler de quelque chose. Et sinon, ça sera un film de cinéma et je le mettrai dans mon aide au programme l'année prochaine, en 2015, au CNC. Et j'aurai mes 85 000 euros au CNC, un chiffrage qu'ils me donneront, pour même donner. Cool. Et je n'aurai pas la télé, j'irai en Suisse, en Hollande, en Belgique, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Rhône-Alpes, et je montrerai mon financement. Et ce sera un film de cinéma, il sortira au cinéma et j'espère que la télé l'achètera derrière. Mais donc, oui, je pense au jeune public et je pense à ce que j'en ai raconté à ma fille. Voilà. Et donc, le printemps arabe, je voulais répondre à cette question à tous les enfants. Les expressions du talent, même en conscient des amis d'équipe, puisque j'ai vraiment fait des petits amis de 13 ans, qui était l'ami qui pouvait s'ennuyer, en effet, se disant bah, pourquoi elle s'ennuie, alors que moi je ne m'ennuie pas forcément, pourquoi on s'ennuie à cette époque, etc. etc. T'as en tête, c'est-à-dire que quand tu fais des films, c'est que ta petite fille à laquelle tu parles en priorité, et tu dis de toute façon, bah, on se disait en début, hein, il n'y a pas de grand public, il y a plein de public, et forcément, si tu parles à ta petite fille, tu vas forcément parler à plein d'autres petites filles et petits garçons dans le reste du monde. Ah oui, je pense à mon public, bon, évidemment, ma petite fille va vite grandir, va vite devenir ado, ça, je ne sais pas comment je vais faire, si je vais continuer ou si je vais l'accompagner. Oui, je pense au public, et c'est vrai que c'est difficile de le faire sans avoir l'expérience de l'enfant à ses côtés. Parce que c'est très difficile en tant qu'adulte. Même, je comprends ce que tu dis, hein, une histoire qui plaît. Mais cette histoire, elle m'a plu dès le début, personnellement, en tant qu'adulte. Mais après, il faut que je le passe au cinéma, il faut que je le passe à la télé, ouais. Il faut que je passe dans les festivals. Il faut que mon écriture, sans se compromettre, parle à la fois aux enfants, à l'adulte qui programme pour l'enfant, à l'exploitant, au distributeur. Et donc, on n'est pas dans une sorte de... Voilà, il n'y a pas de cachet, on ne dit pas « Oh, on écrit ce qu'on veut et quand c'est bon, c'est bon ». Non, il y a quand même toute une approche, parce qu'on sait qu'on va devoir passer par les fourches codines d'un tas de gens qui vont permettre à ce film d'exister financièrement et d'exister devant un public. Parce que si les exploitants disent « Oh, non, bah, le distributeur, il le pressent, ça, donc il va pas... » Voilà. Donc c'est toute une chaîne, donc c'est toute une cohérence à trouver. Il faut faire des films d'auteur pour les enfants qui peuvent passer à la télé, au cinéma, dans les festivals, sur les DVD, dans le monde entier. Et c'est évidemment, à chaque moment, quand tu écris, bah, tu penses à ton spectateur, à ton enfant, oui, aux enfants. Oui. Avant de vous passer la parole, parce que je sais qu'il y a des questions par rapport à ça, j'ai demandé à deux personnes qui sont dans la salle, c'est toujours un peu terrible, déjà de savoir, par rapport à rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien toi, quand, à la Cambre, tu étais déjà là hier, quand tu as fait ton film pour enfants, parce qu'en fait, vous allez voir, Arnaud, en fait, a dit que les étudiants, ça, c'est pas terrible, en fait, de faire des films pour enfants, et tout, parce que vis-à-vis de tes petits camarades, des troubles, enfin voilà, des problématiques, etc. Toi, tu as fait un film volontairement pour enfants avec une autre réalisatrice, c'était quelque chose qui était une évidence pour toi, tu t'es fait un peu dans son sens, ça serait bien d'en reparler, ou alors c'est venu vraiment par hasard. Là, on avait envie de raconter une histoire pour les enfants, parce que on se sentait proche de cet univers-là aussi. T'es plus âgé, enfin voilà, c'est vraiment tu sais bien, le physique c'est une chose, mais après, non, mais c'est des mondes qu'on avait envie d'explorer, et puis c'est, je crois que c'est difficile de raconter les choses de manière simple. Donc, toi, Alice. Donc, c'est ça ton projet de fin d'études. Est-ce qu'à la base, tu avais déjà envie de faire un film pour enfants, sans bien, il va normalement être produit, etc., et réalisé. Est-ce qu'à la base, c'était un film pour enfants, ou est-ce que c'est devenu par la force des choses? Donc, c'est toi qui parles avec un personnage marionnette, tu vois, mm-hmm. discuter. Est-ce que c'est devenu un film par enfant par la suite? Déjà, tu disais, ah, ce serait bien, je parle aux enfants. Bah en fait, à la base, c'était pas du tout un film pour enfants, c'était un film pour moi. Enfin, moi, je pensais jamais, même déjà passer le cap du DMA avec ce film, je pensais même que j'allais jamais être acceptée avec ce film qui était. J'ai fait de manière totalement égoïste, en fait. Genre, j'avais envie de parler à ma marionnette comme un enfant, avec un enfant, pour les enfants. Et du coup, je pense que c'est devenu pour les enfants parce que j'étais un peu un enfant à la base. Et voilà, mais j'ai jamais. En fait, je côtoie les enfants depuis vraiment très très très longtemps, donc je travaille avec eux. Je travaille déjà avec eux en dehors de l'école, de plusieurs manières différentes. Et je pense que ça s'est fait de manière très naturelle, en fait. Je pense je comprends les enfants, mais vraiment naturellement. Et du coup, le sujet du film et le ton du film s'est fait tout seul. Ouais, je pense. C'est ça, non, pas du tout. Est-ce qu'on travaille pour les enfants parce qu'on est resté des enfants? Ouais, ça doit être ça. Un autre projet. Mais c'est tout bêtement. Là, on parlait, on disait c'est pas intéressant. Est-ce que quand il y a un enfant, c'est forcément un film pour les enfants ou pas? Toi, tu mets un enfant dans le film. Est-ce que les films pour deux, ça va être un film pour enfants? On pourrait leur montrer des histoires d'adultes aussi, comme nous. C'est le monde d'aujourd'hui qui adapte un récit de ton père. Est-ce que tu t'es posé la question du fait de mettre un enfant dans le film et qui ça parlerait ou pas? Parce qu'en fait, Arnaud a juste écrit un conte et la forme du conte, en principe, c'est ce qui s'adresse à tout le monde, justement. Donc, on est en train de remettre en cause même cette forme-là pour les enfants. Et même, au final, le projet que ça a donné, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pour les enfants. Enfin, plus ou moins. Donc, il y a plein de gens, il y a plein d'étudiants qui veulent faire des films pour les enfants, visiblement. En tout cas, il y en a un peu plus. Alors, moi, pour Arnaud, toujours, il y en a quand même on a trois. Donc, c'est vrai que ces trois, j'aurais pas demandé de venir. Ils sont venus voilà, par rapport au sujet. Il y a plus, est-ce que c'est bon qu'il y a une problématique de non pas des étudiants, mais pas forcément, ça va pas être suffisamment torturé pour le faire, mais c'est juste qu'ils veulent juste faire des films en espérant toucher du monde, et d'un seul coup, c'est des fois nous ou d'autres qui leur disent ça, tu leur dirais de faire un film pour enfants. Non, moi j'ai juste envie de faire un film, si ça touche les enfants, c'est bien. Et est-ce que c'est pas un autre filtre finalement qui est d'autres, qui peut être les professeurs, on peut se poser la question, ou d'autres qui finalement leur disent ah ben non, là tu fais vraiment jeune public, aujourd'hui ça va toucher le jeune public de manière obligatoire. Je joue aussi un peu ton rôle, j'aimerais bien écouter Jean-Pierre Lemaire. Alors, je suis le seul producteur pour l'instant. J'ai bien dit avant d'arriver, Jean-Pierre va nous parler pendant une heure. Tout à l'heure, ce qu'on va faire sur la petite casserole d'Anatole avec Eric Monchot. Voilà. Donc, Jean-Pierre, d'accord. Évidemment, après, s'il veut réagir, je vais vous demander dans la salle. Il aura une heure pour réagir avec plaisir, au contraire. Hein, bien sûr. Il y a Jean-Christophe Soulageon qui est là. Oui, qui fait plein de films pour enfants. Le producteur. Et là, je le vois. Ma parole, évidemment, ne couvre pas tout le champ. Parler des professeurs, il y a d'ailleurs des professeurs ici. Ce serait intéressant, mais je ne vais pas vous faire le coup de dire tiens, qu'est-ce que pensent les professeurs à la cambre de vos projets? Parce que moi, je me rends compte que certaines écoles sont les professeurs de certaines écoles sont très hermétiques, sont très imperméables, et même déconsidèrent tout fortement l'œuvre pour les enfants. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de dire, tiens, qu'en pense monsieur VG de votre projet, qui, si ce n'est pas, est dans les commissions en Belgique, refuse mon projet. Donc, je lui en veux beaucoup, parce qu'il est censé défendre l'animation. C'est pour les enfants, il ne défend surtout pas. Et je ne l'ai pas cité. Hein. J'aimerais bien mettre un débat comme ça et en parler avec vous pour voir comment publiquement on peut en discuter. Donc oui, mais je ne veux pas stigmatiser non plus. Je ne connais pas ce qui se passe dans les écoles. Je vois que voilà, il y a une sorte de réticence. et qui, ne, à mon avis, qui n'attend qu'à évoluer. Je crois que voilà, les graines sont là. Si on en parle beaucoup, c'est très bien de faire ce débat. Il y a eu un débat à Bru. Si le CNC réfléchit, sensibilise la commission qualité, les commissions de sélection, Delphine qui fait cette série, qui va sûrement, enfin cette collection, pardon, qui va sûrement sortir en salle. Enfin, je te le souhaite parce qu'elle est sûrement faite pour la salle. Yeah. Voilà, on va ensemencer cette idée qu'on peut écrire des films intelligents spécifiquement pour le public qui plaira aussi aux adultes et qui plaira aux exploitants et aux distributeurs et que voilà et que la cinématographie d'animation française va s'enrichir de ce plan-là aussi. Je crois que ça me demande, donc je ne veux pas stigmatiser, agresser, mais je demande aux écoles d'y faire attention et de dire que à leurs élèves, si vous voulez trouver du boulot, c'est aussi une façon de trouver du boulot, quoi, et de voir vos films dans les salles, quoi. Mais quel bonheur! Mais oui, quel bonheur de voir qu'il y a 100 000 spectateurs qui vont payer un billet pour aller voir ton court-métrage de 5 minutes, quoi. C'est magnifique. Alex, est-ce qu'il y a des réactions? Bah, Igor. Attention. Merci. Le directeur de festival, voilà, maintenant, il y a la projection des films pour les enfants slovènes dans notre salle, elle est pleine, pleine. À toutes ces débats, je dis oui pour les cinéma pour les enfants, pour moi non, c'est très important. Aujourd'hui, on est dit, je me souviens, 10 années avant, on a dit non, l'animation, c'est pas juste pour les enfants. Aujourd'hui, on a dit oui, c'est aussi pour les enfants. j'ai une question, il y a quelqu'un officiellement de festival ici, de festival d'Annecy? Alors, qu'est-ce que vous pensez, cet festival, le plus grand dans le monde, il n'y a pas en programmation du film pour les enfants. Alors, notre joli junior, je suis ici avec 4 enfants slovènes, et regardons des films pour les adultes. Hier, vraiment, avec le petit ami de Piotr Mava, on y a levé la salle. Je n'étais pas responsable d'avoir des enfants traumatisés pour des films qu'ils n'ont pas pour les enfants. Alors, je pense que ça, c'est un scandale. Ça, c'est une chose vraiment que ce festival, le plus grand de le monde, elle doit faire des programmations spéciales. Ou alors, toi, pour des films, pour les enfants. Quand tu sélectionnes, t'en mets comme ça. C'est pas très important. Je pense, oui, une compétition pour que les producteurs aussi, les prix dans cette festival, c'est très important, je pense, pour des projets futurs. Mais ça, moi, je pense que ça, c'est un scandale. Oh Igor. Juste quelqu'un veut réagir par rapport à ça, doit avoir un micro. Ouais. Bah, j'ai un micro, là. En même temps, là, je trouve la véhémence d'Igor dans le propos absolument génial. Mais toi aussi, tu pourrais répondre à la question, parce qu'à une époque, on a eu, toi comme moi, le plaisir de pouvoir programmer les courts-métrages pour le Festival d'Annecy. Et si tu veux, on reçoit tout, quoi. Quand, dans les courts-métrages qu'on reçoit, effectivement, ça va être aussi bien, j'ai envie de dire, un Piotr Dumala que le parfum de la carotte, même si il est en télé, mais je fais une hypothèse d'école, quoi. Et finalement, la question que nous, on s'était posée à l'époque, on s'était pas vraiment posé la question du cinéma pour enfants. On prenait, à la limite, c'est ce que disait Delphine par rapport au texte, on prenait les films qu'on aimait, et on se disait, on les programme, et puis on va se dire qu'il y a des auteurs qui vont plus avoir un contenu adulte, et puis en même temps, à côté de ça, des auteurs qui vont parler à un public plus large, et la volonté, c'était de se dire, les auteurs, ils existent partout. Et je sais que nous, quand on avait commencé le programme de compétition, on avait pris un film d'atelier, qui s'appelait donc J'ai faim, et on l'avait mis en premier, c'était le premier film du premier programme, et on avait eu un petit peu envie de dire, on peut faire des films dans un cadre d'atelier avec en plus des enfants, et que le film soit très réussi, et qu'il mérite d'être considéré de la même manière qu'un film de prix de Parnes, puisqu'on avait aussi un prix de Parnes de 45 minutes, quoi. Donc, c'était vraiment, là, à contrario, ne pas faire de scission, même si en même temps, je trouve que ton éclat de voix, il est très salutaire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et juste pour répondre aussi, puisque j'ai en effet fait le comité de sélection, tu me dis que je peux peux répondre. En effet, moi j'ai dû demander, on était là pour la Ligue ACER, et on a le droit en fait dans les règlements, dans le règlement du Festival Annecy, donc il y a 4 séances hors compétition, et on a le droit d'une cinquième séance, voilà, c'est nous qui décidons. Et cette cinquième séance, moi je voulais qu'elle soit une séance hors compétition pour les enfants. J'avais demandé et j'avais commencé à prendre des films en me disant ce film-là c'est vraiment un film pour enfants, c'est très intéressant. Et on avait avancé, le directeur artistique de l'époque nous avait refusé finalement au dernier moment ce programme en disant il y avait plein d'autres choses, que c'était les anniversaires d'Annecy, etc. Et donc on s'était retrouvé même avec des films pour enfants que moi j'aimais beaucoup mais que je ne comprenais pas tellement dans cette programmation aussi très adulte, alors que j'avais envie qu'il n'y ait pas une case, c'est pas pour les maintenant, mais justement qu'ils puissent aller dans une salle et qu'ils voient des courts-métrages comme les grands qui ont été faits, et voilà. Et ça, c'était important. Malheureusement, ça avait été, à l'époque, refusé par la direction de l'époque. Ouais, Florent. Mais moi, en fait, je trouve que c'est aussi un gros problème, parce que c'est ça, effectivement, je suis assez d'accord, parce que je ne comprends pas par rapport à comment c'est fait des fois ici. C'est que nous, pour Bru, par exemple, quand on est dans le comité de sélection, on prend les films qu'on a envie de prendre, et une fois qu'on les a pris, on se dit juste, tout simplement, on va regrouper les films plus ou moins par catégorie d'âge. Donc on n'a absolument à aucun moment cherché de prendre des films jeunes publics plus que d'autres, sauf qu'il se trouve que dans la sélection, au total, on arrive à en mettre suffisamment ensemble pour qu'ils passent une catégorie d'âge. Et donc, en fait, quand on a... là, ils pourraient prendre exactement les mêmes films, surtout pas faire de programme spécial, juste dans la grille, les films qui passent à 14 et à 16 heures, c'est plutôt la programmation où on a un peu regroupé la partie un peu plus jeune, et puis on met plus tard dans la journée, ou plutôt, je ne sais rien, mais c'est juste une histoire de regrouper les cours dans un certain bloc, et de les mettre sur des blocs horaires qui correspondent aux filles. Parce que les festivaliers, on est là toute la semaine et on y va n'importe quelle heure. Mais les gamins qui sont encore à l'école, de toute manière, il y a des heures, ils n'y vont pas, ils sont en sortie, quoi. Bon. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faudrait faire forcément un programme hors compète ou quoi que ce soit. Ils ont le droit de voir la compète. Les gamins, il y a plein de films dans la compète, dans les films étudiants ou dans les films pro, qui sont visibles par le jeune public. Il faut juste les mettre ensemble, parce que je suis d'accord, effectivement, il y en a certains, c'est pas la peine, quoi. On est complètement d'accord aussi, on va paraître redondant, mais de se dire effectivement les films sont accessibles à tous les films sont accessibles aux jeunes publics, aux enfants, sauf certains qui peuvent être contre-indiqués et faire l'objet d'un avertissement et réservés aux adultes. Mais peut-être raisonner dans ce sens-là en fait. Et ensuite ne se focaliser que sur un travail, essentiellement sur un travail d'accompagnement, de programmation, de plage horaire, etc. Et d'organisation logistique pour accueillir les enfants. Mais en termes de programmation, je pense que voilà, on s'est dit que. Il fallait rendre les films accessibles à tous, sauf un petit nombre réservé aux adultes. Donc, c'est un faux problème. Je pense que le festival, on est responsable vraiment pour l'éducation à l'image. Juste Igor, excuse-moi, pour ceux, Igor Prasel est directeur artistique d'un festival à Animateka, en Slovénie. Ouais, je travaille aussi dans les comités de sélection AnimaFest Zagreb, alors j'ai beaucoup d'expérience regardant pour faire le choisi des films pour les enfants pour les festivals. Donc, pour mentionner un autre festival, qui est notre Montpellier, le festival des courts-métrages, le plus grand, le plus important pour moi dans le monde pour les courts-métrages. Qu'est-ce que le Clermont fait? Alors, il y a des programmations pour les enfants spéciales, il y a beaucoup d'écoles qui viennent, mais je trouve ce programme pas très fort. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des programmateurs qui pensent, ok, ça filme, ça va, mais peut-être on y le compte pour les enfants. On le met là, juste comme ça, on y le jette là. Et ça, c'est pas bien. Alors, c'est très délicat, ce moment de la sélection du film pour les enfants. Chez moi, je travaille à Ljubljana avec un psychologue média, et il y a les 13e personnes dans les comités de sélection. Alors, on discute vraiment très, très, très fort et très complète sur cette film. Aussi pour les donner le age limit. Le limitage, et pas seulement ça, alors il a une discussion avec cet enfant avant de regarder cette fille. Alors quand on retourne à l'école aussi, on y fait des matériels pédagogiques et tout. Et la France, c'est le pays en Europe le plus important avec l'éducation à l'image, avec les matériels pédagogiques. Dans cette question ici, des courts-métrages au festival, ça ne marche pas. Et je pense que vous êtes des sincères, c'est vrai. je pense que c'est vous aussi qui a proposé un autre philosophie, un autre mode de faire au festival. Je ne sais pas, peut-être. Bon, on transmettra à Marcel. On s'en doute, Igor. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'égoïsme? Parce que, comment dire, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de débats il y a longtemps pour dire l'animation, c'est pour les enfants, et les festivals, c'est fait aussi pour montrer que c'est aussi pour les adultes. Maintenant, forme d'égoïsme, pourquoi? Parce que pour le long métrage, tout le monde me dit c'est plus simple de financer quand c'est pour enfants. Quand c'est pour la série pour enfants, c'est plus simple. Le court métrage, c'est peut-être une petite parenthèse, un petit truc à part, où on peut s'exprimer pour dire que ce n'est pas que pour les enfants. Donc voilà, je me demande, est-ce que c'est une question un peu égoïste parce que tout d'un coup, on devient papa ou maman, et qu'on dit souvent, dans les commissions, c'est souvent des mamans qui pensent comme des mamans pour leurs enfants. On l'a déjà abordé un peu. Donc voilà. Est-ce que tu étais là au début de la séance? Donc, les exploitants demandent et vont chercher ailleurs des films alors qu'on a une capacité des auteurs, des écoles. Donc, c'est pour répondre à une demande d'un public, d'exploitants, de distributeurs. Il y a un créneau, on pleure. Que nous... ah, bien sûr qu'il faut continuer à défendre l'animation pour adultes, l'animation expérimentale, l'animation particulière qui est vue que dans les festivals et j'en continue à en produire et je continue à en écrire. Mais voilà, il y a une demande et il y a un creux. Et toute cette créativité potentielle des gens qui font des écoles, vous êtes combien à sortir des écoles tous les ans? Donc vous êtes combien à chercher du boulot tous les ans, à avoir votre statut d'intermittent aussi, à vivre votre métier? Et là, il y a des salles qui demandent des films, on n'est pas capable de leur donner. Mais non, ce n'est pas de l'égoïsme. Moi, effectivement, je suis mis sur ce créneau, j'ai été sensibilisé au moment où je suis devenu père, mais ce n'est pas par égoïsme. Je me suis d'abord rendu compte en tant que producteur qu'il y a moyen de répondre à une demande sans être commercial, comme je me fais bassement critiquer mon film comme étant commercial, parce qu'il sort en salle, je deviens suspect. Non, il y a une demande, il y a un désir de cinéma. Il y a un désir de cinéma. Répondons-y. Et attention, bien sûr, ici aussi, c'était l'idée de faire du court-métrage pour enfants, et encore une fois, fondamentale, parce que l'écriture, et on parlait avec Autoport hier, est évidemment différente. Toutes ces écritures sont différentes. Un court-métrage permet de travailler permet de travailler des images, permet de travailler des choses qui sont complètement différentes. Donc l'importance du court métrage pour enfants, comme il serait intéressant, c'est presque, c'est dommage qu'il ne soit pas là, Laurent Pouvaret, donc directeur pédagogique de la Poudrière ce matin, dans le même thème, et passé au petit déjeuner, et il disait c'est quoi le thème aujourd'hui, je parlais du thème, oui. Il disait mais... vous avez surtout parlé du court-métrage, peut-être d'autres choses, peut-être de la série, et Laurent Pouvaret disait, mais est-ce que la série, en fait, est faite pour les enfants? Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et finalement, non, mais c'était intéressant, c'est-à-dire qu'en effet, je veux dire, quand on voit aujourd'hui le nombre de séries qui se font en animation pour adultes à l'étranger, alors qu'il n'y en a quasiment aucune, et qu'en effet, le renversement des situations aussi, faire finalement des longs-métrages pour tout le monde, pas pour tout le monde, pas pour ce vaste public, mais voilà, faire des longs-métrages pour adultes, comme on disait, faire des longs-métrages... faire des longs-métrages pour enfants, et pareil pour les séries, pareil pour les courts-métrages, et à peut-être arrêter de se dire, bah tiens, voilà, là il y a... Enfin, qu'il n'y ait plus de monde quelque part, quoi, que finalement, tout le monde puisse avoir son compte à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une dernière, toute dernière, ou, parmi les invités, une dernière réaction, ou une dernière question, une dernière réaction? Je passe... excuse-moi, Sylvie, mais un professeur... Non. Oui, ma question à la fin de... Ce débat où on a beaucoup relativisé justement le jeune public, j'aurais bien aimé savoir quand même si parmi les plus autorisés d'entre vous, il y avait quelqu'un qui était capable de nous dire quand même quelles étaient les limites de ce public, ce jeune public. Parce que les limites d'inspiration. C'est génial, ce n'est pas les limites du public, mais non, c'est le public de ce que les adultes veulent bien laisser voir aux enfants. Oui, c'est peut-être ça. C'est ça. On a créé un collectif. Après tout, le film existe en soi, et comme le disait Alexis, c'est le public lui-même qui va après faire ça. Mais pas du tout, malheureusement. Donc je réitère ma question. Y a-t-il pour vous des critères qui vont faire que tel film sera plutôt... Voilà. Non, c'est pas ni une tranche d'âge. Vous avez dit justement, comment définir le jeune public ? Comment faire ? C'est extrêmement difficile, mais je vais donner un exemple. L'histoire du petit Pablo, à 26 minutes, réalisée par Nicolas Légory à partir d'une séance jeune public de Marc Lévoche à la Corbeillon, une sensibilisation à la Corbeillon. Il a écrit un conte sur l'histoire de la Corbeillon, et Nicolas Légory en a fait un film. C'est écrit par Marc Lévoche pour les enfants, donc le film est pour les enfants. Il est sorti en salle, j'ai décalé la sortie en salle, avec un film de Vincent Biroir qui s'appelle Fugue. Rien à voir pour les enfants, mais qui est au niveau expérimental, au niveau d'image très intéressant, musical. Il y a là-dedans aussi Sous-Avoine Cellule, qui n'est pas écrit au départ pour les enfants, c'est un rêve, mon rêve, au moment où j'allais adopter mon enfant. Et voilà, c'est très particulier. Et il y a La Garde Barrière, qui est un film totalement surréaliste, par une auteure plutôt de documentaire et de fiction, qui a un jour écrit un truc pour l'animation. Et donc, voilà, il n'y a pas de limite, il y a une responsabilité, Delphine a posé le mot tout à l'heure. Élargissons le plus possible, évidemment, la palette de ce qu'on peut leur offrir comme cinéma. Maintenant, on sait que voilà, Paolo a fait 42 000 entrées en un an, Le Parfum de la Carotte a fait 50 000 entrées en deux mois. Après, on prend des risques sur certains et on sait qu'on ne gagnera pas du tout dessous, et d'autres, on est dans une économie. J'ai dit à Marc ce matin, j'espère que tu vas bientôt me renvoyer des sous, ça me permettra de prendre des risques pour le vendre à un réseau que France Télé m'a réfugié et que j'ai besoin de financer en développement. Donc voilà, donc, c'est une question de responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut faire découvrir à nos enfants? Et surtout, ne nous arrêtons pas à des films écrits que pour les enfants. Voilà, parce que ça serait dommage. Il y a plein d'autres choses à montrer, mais tu vas encore mieux répondre que moi. Non, je vais reparler du point de vue de quelqu'un qui vend pour la télé. Malheureusement, on n'est même pas en train de parler des limites des enfants. Quand je vois les limites que la télé impose aux gens qui veulent écrire pour les enfants, c'est ça notre couvercle sur la tête. C'est qu'on vit des choses absolument délirantes et qu'on n'arrête pas d'essayer de dénoncer. C'est qu'on est dans un monde où, je ne sais pas quoi, les adultes, ils ont peur de tout pour leurs enfants. Et que les limites qu'on nous impose dans l'écriture pour enfants aujourd'hui dans la série, c'est que, je sais pas, moi, dans les grandes vacances, quand j'ai essayé de faire que le père donne un couteau à son gamin avant de partir à la guerre, ce qui est arrivé, je pense, des millions de fois, on m'a dit, c'est pas possible, tu peux pas mettre un couteau dans les mains d'un enfant. Mais même pour décoller un coquillage sur un caillou. Il y a la nudité dans Je suis comme je suis. La nudité dans le poème, dans le court-métrage de Prévert qui s'appelle Je suis comme je suis, où il y a cette femme qui, à un moment, sort du lit nue pour faire deux pas et elle a des fesses sublimes et tout ça. Ben, finalement, à France Télé, ils ont décidé qu'ils allaient diffuser la version habillée, alors qu'ils nous avaient promis qu'ils passeraient à la version pas habillée. Mais bien, c'est absolument stupide. Et du coup, ils vont passer sur France 4, la version où elle sort du lit nue. Ce qui est absurde, parce que les enfants, ils adorent regarder cette grosse dame avec ses grosses fesses. Mais bien sûr, bien sûr. Après, bon, moi, je suis allée dans des écoles le montrer, et il y a vraiment un truc fascinant, c'est que des enfants qui regardent ce dessin animé seuls, ils le redemandent tous les matins à leurs parents. Et puis, quand ils sont en classe, ils ont des réactions collectives. Évidemment, ils ont 7-8 ans, ils sont en pleine construction de leur intimité, je sais pas quoi, donc ils se moquent, ils ont des réactions zarbi et drôles à la fois. Mais, voilà, donc vraiment, ce qui est délirant, c'est les limites que la télé nous impose aujourd'hui, que ce soit, je redonne toujours ces exemples, mais il y a des copains scénaristes qui n'arrivent même pas à écrire des histoires d'ados qui sont un peu impressionnés par leurs poils ou leurs odeurs et tout ça, parce qu'on n'a pas de poils, pas d'odeurs, pas de morphes, pas de trucs, il y a des séries qui racontent des histoires de bêtises où on finit par dire aux scénaristes, on ne peut pas montrer un enfant qui fait des bêtises ou, des trucs délirants. Moi, je ne pouvais pas montrer Ariol qui prend seul le train parce que ça n'existe pas un enfant qui prend seul le train. On ne peut plus rien montrer, quoi. Quoi ? En faisant ça, ils évitent les emmerdes. Mais ils évitent aucun emmerde. Et surtout, ils évitent de faire grandir les enfants. Et ça, c'est juste pas possible, quoi. Ils laissent passer ça, surtout à J'aime lire. Ils vont recevoir les lettres. Qu'ils répondent aux lettres. Il y a une éducation aussi des parents. Qu'on réponde aux lettres de ces tarés qui disent que c'est pas possible de montrer un enfant seul pour aller à la boulangerie ou je sais pas quoi. C'est... Il faut croire qu'il y a beaucoup de tarés, hein, tu vois. Mais bien sûr. Mais c'est le drame. Ils ont le courage, à un moment donné, de se battre aussi pour... Bien sûr. Quelque chose qu'on croit, qui est important, auquel on peut croire. Et c'est vrai que, oui, on peut se prendre ensuite pas mal de lettres ou de choses comme ça. Mais qu'on y réponde. C'est le combat aussi. Igor le disait, c'est un combat de devoir dire à un moment donné qu'est-ce qu'on veut proposer. Il y a déjà quelques personnes qui vont partir parce qu'il y a Kanaji qui nous donne son truc. Kanaji, c'est de faire des choses pour les enfants. Enfin, et Oui, oui, très vite. Et finalement, c'est un complément à ce que disent Arnaud et Delphine. Mais effectivement, on est aussi comme ça dans quelque chose de très coercitif pour le cinéma, alors pour enfants. Mais on le voit de toute façon pour tout. On le voit pour la littérature jeunesse, comment d'un seul coup, parce qu'un politique qui n'y connaît rien à rien va dire « ce livre est un scandale », le livre, c'est pas un scandale. Au contraire, c'est un bonheur. Il y a que des gens qui sont tout nus et qui, à la fin, tous ensemble, vont se baigner. Et voilà, c'est un tollé. Ayatollah Copé parmi nous. Donc voilà, il y a des moments où il faut arrêter avec ça. Et à contrario, c'est vrai qu'il faut soi-même, peut-être soit en tant que programmateur, soit en tant qu'auteur aussi, avoir plus d'exigences et oser des choses. Moi, j'ai fait une fois une programmation jeune public. C'était au Festival de moyens-métrages de Brive. Et on a fait, pour les enfants, on a fait une carte blanche, c'est moi qui l'ai construit, mais un spécial studio AK. Et on s'est retrouvé avec un film comme Varmitz de Marc Rasté, qui est une sombre fable écologiste. Et les enfants, ils ont réagi. Alors oui, c'est triste. Moi, je préfère l'autre film qui était plus léger, plus joyeux. Mais on a eu des retours, moi, qui étaient absolument saisissants, en disant, oui, de toute façon, la grande ville, là, c'est Paris. Et puis nous, à Brive, on est tranquille. Voilà le film comment il passe. Donc, ils ont des réactions. Ils savent les lire. Et puis après, je pense qu'en tant qu'auteur, il faut effectivement continuer à oser y aller, même si c'est difficile. Alors que peut-être que le court-métrage, c'est l'endroit où ça peut permettre ça. Et d'oser ne pas se restreindre quand on raconte quelque chose pour les enfants, ou en tout cas raconter une histoire, et même si on y met en scène des enfants, et même ça, si ça peut être violent, on y va, et puis on verra après, soit le film sera accompagné, soit pas, quoi. Mais en tout cas, allons-y. Avant Florian, je fais quelque chose que je n'aurais pas fait, mais j'ai passé une croix à Sylvie. Je vais essayer de faire vraiment super court, parce que sinon, on n'aura pas le temps de parler de casserole, ce serait quand même dommage, parce que c'est un très joli film. Alors, juste pour réagir, par rapport à la chance d'être de pouvoir programmer des programmes de l'occidence jeunesse, dans le prix jeunesse, il y avait notamment le film de Mifat et Crabeau, d'Anna, je ne sais pas si c'est noté surtout, et il y avait Mon papa, ce héros, du film de l'école Méliès. C'est ce film-là qui a été nominé par les enfants. Alors, quand on connaît ce film... Le Pas des Crapauds a été nominé, a eu le prix Anima Fest, oui, justement, par le jury enfant, ils lui ont donné le prix. Les deux étaient dans la même catégorie, et c'est ce film, cet incroyable héros. C'est un film assez dur, qui a une double lecture. Oui, mais ça dépend finalement du jury qui est mis en place aussi, ça. Est-ce que... Très rapidement. Mais non, mais c'est aussi sur le jeune public, c'est quand on. C'est dommage parce que la personne qui a posé la question vient de partir, mais les limites, elles sont aussi par rapport à ce qui touche les enfants. C'est que moi, je me rappelle quand je parlais des films où on met tellement d'allusions pour adultes que du coup, c'est le nombre d'enfants qui sont allés voir Les Indestructibles, alors que ça parle des âges de la quarantaine, d'un mec qui bosse dans des assurances, tout ça, parce qu'ils sont en train de coquillard. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on montre aux gamins parce qu'on a peur de leur faire peur et machin et tout ça et tout ça. On leur montre des conneries comme sur le chemin de l'école ou le promeneur de l'oiseau, qui font des trucs qui sont faits pour les parents. Et ils disent, tu vois, alors, même pour les grands-parents, pour leur montrer, tu vois, quand même, c'est drôlement difficile pour eux d'aller à l'école, t'as de la chance. Alors qu'effectivement, quand on a un jury enfant, qu'est-ce qui va dans les festivals? Ils vont prendre Les Couleurs de la Montagne, ils vont prendre Jiboro, ils vont prendre des films qui sont très durs, qui sont dans des problématiques qui les touchent. Donc les limites, en fait, il faut juste toucher les enfants. Il faut les... sans mauvaise... le truc qui... justement, démasquer. Il faut leur parler, quoi. Il faut avoir des histoires. Suivant. Ça y est, on est devenus des tordus, on est tordus. Okay, allez, pervers. Je suis content que ce soit le premier grand débat qu'on a eu. C'est intéressant que ce soit pour les enfants. J'espère que vous serez là samedi pour parler peut-être aussi de débats sur le cinéma. On a assez rarement, quand c'est sur le cinéma même, comment on travaille, etc. Là, quand je vois quand c'est un débat un peu plus sociologique et sur les enfants, évidemment, ça touche beaucoup de monde, les enfants.